Je suis dépassé avec la vie de l'homme sur la terre. Je suis dépassé avec la vie de l'homme sur la terre. Oh, je suis dépassé, je suis dépassé avec la vie de l'homme sur la terre. Je suis dépassé, oh, je suis dépassé, oh, je suis dépassé. Sur la terre, je suis dépassé. Les guerres détruisent la terre. Je suis dépassé. Le vol passé par là. Je suis dépassé. Je suis dépassé avec la vie de l'homme sur la terre. Je suis dépassé. Oh, je suis dépassé. Et je suis dépassé. Oh, oh, oh. Oh. Je suis dépassé, je suis dépassé avec la vie de l'homme sur la terre. Je suis dépassé avec la vie de l'homme sur la terre. Nous sommes dépassés avec la vie de l'homme sur la terre. Vraiment. Bato bala mona tete, omane bandela medongo. Bato bala mona tete o. Bandela medongo, mona bomana bandela medongo. Oh, je suis dépassé. Mona bandela medongo, mona bandela medongo, mona bandela medongo. Eh, je suis dépassé. Je suis dépassé. Oh, oh manga oh, eh manga eh, oh papa eh, oh eh, oh. Ah, je suis dépassé. Je suis dépassé. C'est ça.